non, mais je sais que tu plais, que tu joues, que tu aimes. On a les hommes faibles. Non, mais voilà, c'est un jeu dangereux. Et beaucoup si brûlant pour les yeux. À trop vouloir plaire, va falloir faire peut-être même un coup de revolver, un peu de tri, un coup de vent dans les sentiments de tes possibles amants. Certains ont déjà un genou à terre, la tête faute prise dans tes serres. Libère tes amours et vois au grand jour combien te reviennent. Tu rassures qu'ils tiennent. Les mystérieuses chaleuses, sorceleuses, profite de la vie et continue à plaire. Mais attention, ton gars, l'amour est un éclair qui picote des chars, des peut tout foutre en l'air. Alors ne sois pas un se brise-cœur, car sa frontière est proche de celle du bonheur. Le tien sera intense si tu écoutes enfin le cœur d'un de ces hommes qui voudraient être tien. N'aie pas peur que ça dure, ne crains pas d'être seul, ne réfléchis pas trop avant de ceux qui veulent bien t'ouvrir leur cœur. Pas pour toi, je sais très bien que tu y arriveras. D'ici là, ménage un peu les hommes et essaye plutôt de croquer des pots. Je ne m'inquiète pas pour toi, je sais très bien que tu y arriveras. Non, mais d'ici là, ménage un peu les hommes.